Une dernière étape, une première étape, une dernière étape, droit, droit, droit devant. L'aléatoire ne figure pas sur la liste des occupants. Il demeure néanmoins une obtuse façon d'être, obtuse car non volontaire, celle d'acceptation, d'acceptance de ce refus-là, oui, monseigneur. Ce soir dans Nuisance, Nuisance, l'émission qui nous sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud, 92.2 FM, canalsud.net, téléphone le 05 61 53 36 95, adresse le 40 Alfred Duméril, 31400 Toulouse, France. Vous êtes en partance pour une aération, n'est-ce pas, ventriculaire ou ventriculatoire en tout cas. Ça c'est sûr, comme une introjection vaculatoire ou va... Vajala, ce disque en tour, continuum, comme Pravax. Ce soir, on va écouter d'autres choses, quoi. termes d'audience, on ne peut pas disparaître plus que ça. Il faut absolument citer les haters comme une indépendance. Thank you. the distinguished United States Senator from Kentucky, at that point with great force, by the courageous, trailblazing, a true great Democratic president, we can be proud of the fact that our great always a dismemberment in the whole faction of the glorious dysfunction, dysfunctional. Can't expect them to be happy about it. God fucking damn you. You gotta know about it to see. You gotta see what you're knowing about it to see. What you saw is what you sought. And what you saw is not. Knot-headed fool. Les terrifiques haters dans leur milieu, le milieu de l'affaire. La ferme Celebrity à son comble de l'enfer. Voilà encore les haters, toujours là. Toujours lassés de la lassitude. Ce que je dis, c'est vrai, c'est pour ça qu'ils s'ennuient pas. Dysfunctional hate is fucking evil. It's evil god matter up the fucking ass the whole fucking time, you know what I mean? Ce soir, la privation de sommeil faisant son comble dans l'Antéchrist, l'antifarce, toujours omnibilance de l'âtreté en faction de milice, même que ce que je dis ce n'est pas tout à fait vrai, car je ne savais pas exactement ce que voulait dire milice à ce moment précis, je ne sais toujours pas, je vais aller vérifier un peu plus tard sur ce. MSBR, Molten Salt Breeder Reactor, ça veut dire quoi? J'en ai rien à foutre, personne n'en a plus rien à faire de ce que je dis. Et ce que je dis, c'est rarement vrai. Thank you. I'm a feel me way. I'm a field negro. écoutez Canal Sud 92.2 FM, canalsud.net, c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Canal Sud, le téléphone, le 05 61 53 36 95, une adresse, le 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, en France. Sur Terre, pour l'instant, sait-on jamais. a field Negro. I'm a field Negro. I'm a field Negro. I'm a field Negro. I'm a

baise ma petite nièce parce qu'elle a un beau cul. Même si c'est de la merde. Bonsoir, vous écoutez toujours Nuisance. Nuisance, l'émission qui nous sens, l'émission de Nuisance sur soir, sur Canal Sud, comme tous les vendredis de 21h à 23h. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, donc comme d'habitude. Puisque c'est Nuisance. Nous sommes le vendredi 29 avril 2016, oui, je ne me trompe pas, et donc c'est l'émission Nuisance, il est 22h40, que dire de plus, nous sommes les malvenus peut-être sur Terre ou pas, peut-être pas dire ce genre de choses, je vais y réfléchir un peu. Gone with all this. Where have we bought this old shit?

Vamos a ver a la familia. Vamos a ver a la familia. Vous allez dormir. Vais a dormir. Vais a dormir. Ils vont se promener au parc. Van a caminar al parque. Van a caminar al parque. Leçon 11. Le futur. Le futur proche est plus courant que le futur simple. Très facile à comprendre et à retenir, il se construit de la même façon pour tous les verbes. Il suffit d'employer le verbe à l'infinitif, précédé de « il a ». Allez, conjugué au présent. Voici quelques exemples. Je vais écrire une lettre. Voy a escribir una carta. Voy a escribir una carta. Tu vas appeler le chef. Vas a llamar al jefe. Vas a llamar al jefe. Il va aller au restaurant. Él va a ir al restaurante. Elle va ir al restaurante. Elle va travailler. Ella va a trabajar. Ella va a trabajar. Nous allons voir la famille. Vamos a ver a la familia. Vamos a ver a la familia. Vous allez dormir. Vais a dormir. Vais a dormir. Ils vont se promener au parc. Van a caminar al parque. Van a caminar al parque. Leçon 11. Le futur. Le futur proche est plus courant que le futur simple. Facile à comprendre et à retenir, il se construit de la même façon pour tous les verbes. Il suffit d'employer le verbe à l'infinitif, précédé de « aller », conjugué au présent. Voici quelques exemples. Je vais écrire une lettre. Voy a escribir una carta. Voy a escribir una carta. Tu vas appeler le chef. Voilà, Nuisance, c'est la fin de Nuisance. Nuisance vous emmerde, allez vous faire foutre.